Leçon 15, 15e leçon. Marie-Claire va en ville. Première partie, Marie-Claire a des courses à faire. Aimez-vous les dîners d'affaires? Les gens y parlent naturellement d'eux. De leurs affaires à eux, de leur santé. Ce genre de conversation ne m'intéresse guère. Ce soir, un certain monsieur Houbé doit venir dîner. Je vais donc préparer un bon repas. Mais avant, je vais sortir pour faire des courses au marché et au supermarché. J'ai à préparer une liste des choses à faire. D'abord, je vais aller à la laverie automatique. J'ai plusieurs choses à laver avant ce soir. J'ai aussi du linge à laver, des chemises et des sous-vêtements. Mais ce n'est pas pressé.